Bonjour à tous et à toutes, bonjour aussi aux autres, bien entendu vous entrez dans Plus Fort J'entends Rien, le mag d'actu tout terrain, en direct le mercredi à midi, rediff à 19h et le jeudi à 8h du mat. Aujourd'hui, on va oublier les structures habituelles et les mauvaises habitudes, pas de coup de cœur, d'agenda, de fer à rock, on va faire une spéciale New Orleans en compagnie de LZ qui est à mes côtés, qui a voyagé plusieurs fois là-bas, salut. Salut LC. Et on va essayer de vous présenter des petits coups de cœur que chacun, chacune de notre côté, on a glané par-ci par-là sur internet, de la nouvelle musique de la Nouvelle-Orléans, plutôt récente. On va pas du tout honorer les classiques. Et on va commencer par une ambiance de rue que t'as choisi comme introduction pour ce petit magazine. Qui c'est ce groupe qui va jouer là? C'est le Rebirth Brass Band, qui est un brass band connu à New Orleans. Et là, c'est un enregistrement dans la rue. C'est une second line, c'est une parade. À l'origine, je crois que ça s'appelle comme ça parce que c'est l'orchestre qui suit le cercueil et la famille pendant un enterrement. Et maintenant, c'est juste un terme générique pour désigner un brass band et une parade de rue. Et donc, c'est le Rebirth. Rebirth Brass Band à l'instant dans les rues de New Orleans. Un petit topo quand même, très Wikipédia, vous m'excuserez pour la froideur, mais pour camper un petit peu le décor, c'est quand même pas mal de voir où est-ce qu'on se situe clairement. Donc on est dans l'état de Louisiane au sud-est des États-Unis. La Nouvelle-Orléans, c'est quand même une sacrée grosse ville, plus de 380 000 habitants. La métropole, c'est plus de 1,3 million d'habitants, mais qui est en déclin de population depuis les 60s quand même. On est entre le delta du Mississippi et le lac Pontchartrain. Il doit y avoir beaucoup de moustiques. Oui, beaucoup de moustiques. Et bon, alors bien sûr, pour beaucoup, c'est le berceau du jazz, du Dixieland, de la musique cajun. Mais c'est quand même une ville qui est peuplée à 65% d'Afro-Américains, une des villes les plus pauvres des États-Unis, avec un des taux d'homicide les plus forts, plus que New York, LA ou Chicago. Et avec des mots qui sont cultes, le vieux carré français, le vaudou, le po'boy, le gumbo, Sidney Bechet, Louis Armstrong, Dr. John, les frères Marsalis, etc. Et puis un autre nom qui est assez culte et qui, j'imagine, a beaucoup transformé la ville en 2005, l'ouragan Katrina. 1800 morts officiels, 30% de la population qui part de la Nouvelle-Orléans. Et une ville, j'imagine, qui garde un peu les stigmates de ce truc-là. Toi, la première fois que tu y allais, c'était après ? Ouais, c'était en 2008, du coup, 3 ans après. Et ouais, il y avait des quartiers complètement ravagés. Et bon, après, la digue KPT, c'est celle qui protégeait plutôt les quartiers pauvres et les quartiers noirs. Les quartiers riches, le Guardian District, le quartier français, quel quartier touristique au centre. Tout ça, ça va, il n'y a pas beaucoup de stigmates. Et ouais, bah ouais. C'est autour de ça, donc, qu'il y a aussi pas mal de musique, je pense, qu'on va passer, qui se sont construites après cet épisode un peu marquant pour une ville, forcément, quand on vit un truc pareil. Ça a marqué la littérature, ça a marqué le cinéma, ça a marqué la musique, et on va l'entendre au fur et à mesure un petit peu de nos circonvolutions. Moi, j'avais envie de passer à un autre brass band qui s'est spécialisé dans les reprises pop, qui peut-être fera hurler les fans de Sidney Bechet, mais qui quand même claque vraiment, le Hot 8 Brass Band, avec une reprise de Love Will Tear Us Apart, tout de suite maintenant sur le 895 de Dio. fort, j'entends rien, spécial Nouvelle-Orléans, donc on va quand même consacrer une large partie de cette émission à tout plein de courants différents de la black music, même si on verra, et quand même on en diffusera un petit peu, il n'y a pas que ça à la Nouvelle-Orléans, mais c'est quand même là où il y a un petit peu un mythe. On n'est pas loin du Delta Blues, la New Orleans Soul, et toute une vague après hip-hop qu'on a appelé Dirty South, puisque après la guerre New York-LA, il y a une espèce de troisième voie qui s'est ouverte dans le sud des États-Unis au sens large, Atlanta, autant que la Nouvelle-Orléans et pas mal d'autres villes, Memphis, je perds mes notes, Houston et Miami. Alors, il y a eu notamment dans les années 2000, depuis Memphis, la vague du crunk qui a apparu avec des représentants du côté de Nouvelle-Orléans qu'on jouera après. Il y a eu la trap à Atlanta et il y a eu une musique un peu incroyable qui, je crois, n'a existé quasiment que à la Nouvelle-Orléans. En tout cas, c'est vraiment la création du cru. C'est la bounce music. Et ça, c'est un peu une musique de taré quand même. Bah ouais, c'est clair, ça fait un peu tourner la tête. Et le boule, mais oui, il faut bien le dire, parce que du coup, un peu comme le crunk, sa danse hyper sexuelle, la bounce music, c'est quand même des textes ultra crus. Bon, on est quand même dans une ville où on voit des seins nus à longueur de carnaval, où il y a quand même un truc, en tout cas dans l'imagerie de la Nouvelle-Orléans, il y a quelque chose d'assez sexuel quand même, ça, de charnel. C'est Bourbon Street plutôt, qui est une artère dans le quartier français, où il y a une espèce de truc, les flics tolèrent d'être à poil, d'être complètement bourré, complètement pété au milieu de la rue, et alors que plutôt ailleurs tu te fais arrêter si tu fais ça. C'est très touristique. C'est très très touristique, ouais. Mais le bounce, du coup, c'est quand même une musique là, pour le coup, qui est très crue, avec des paroles assez explicites et des rythmes frénétiques qui s'arrêtent jamais. Ça donne le tournis même à écouter. Alors j'imagine, toi, du coup, qui est allé dans des soirées bounce, ça doit être quelque chose quand même. Bah ouais, je me suis retrouvée à un concert de Big Freedia toute seule à New Orleans, il y a un moment déjà, il y a 10 ans. Et bon, du coup, j'ai bu quelques bières pour me sentir un peu à l'aise au milieu de toutes ces personnes complètement déchaînées. Et ouais, c'était trop bien. C'était trop trop bien. Et tu m'as décrit ça comme une espèce de marée de fesses qui dansent. C'est ça. Du coup, les gens, ils ont les pieds et les mains au sol, avec les culs qui rebondissent comme ça. Ouais. Alors, on va pas écouter Big Freedia tout de suite, même si on le jouera peut-être après. Mais là, du coup, t'as choisi Magnolia Shorty. Ouais, qui est un peu une ancienne de la bounce. Bon, elle est morte en 2010, elle est morte jeune, elle a été assassinée. Et ouais, du coup, elle a pas eu le temps de faire grand chose. Et là, c'est Monkey Partout. Uh-oh, uh-oh, uh-oh, uh-oh, uh-oh. Remember Shorty made a monkey on his dick? But now I'm about to make his soul catch a fit. Remember Shorty made a monkey on his dick? But now I'm about to make his soul catch a fit. Now monkey, miggity, monkey, miggity, monkey, part two. My way, my way, or the highway, highway. That I'ma give you this dance, I made that shit. I'ma give you this dance. Wop, wiggy, wiggy. Shake, shiggy, shiggy. Shake, shiggy, shiggy. Bounce, biggy, biggy. Bounce, biggy, biggy. Rock, biggy, biggy. Bitty, pop, biggy, biggy. I'ma give to this dance, this in the mix. I'ma give to this dance, they jock that shit. I'ma give to this dance, I'll shake them tits. I'll shake them tits, shake them tits, shake them. Hey, right. You won't fuck them. Get out of them. Fuck, fuck, fuck them. Get out of them. If you won't fuck them. Get out of them. Get out of them. You won't fuck my booty. I'ma give you this dance, it's in the mix. I'ma give you this dance, they jock that shit. I'ma give you this dance, I'll shake them tits. I'll shake them tits, shake them tits, shake them tits. Bop, jiggy, jiggy. Bop, bop, bop, bop. Wop, wiggy, wiggy. Wop, wop, wop, wop. Shake, shiggy, jiggy. Shake, shake, shake, shake. Bounce, jiggy, jiggy. En pleine bounce music à la Nouvelle-Orléans, c'était Cathy Red à l'instant. Et la bounce music qui se caractérise aussi par une scène et des icos plutôt LGBT. Donc là, Cathy Red, c'est une personne trans qui, je perds dans tous les sens, j'aurais dû faire par ordre alphabétique, mais notre rappeuse trans, donc ouais, qui fait partie un petit peu du début du mouvement. Et il n'y a pas que elle qui est un petit peu dans le mouvement queer de la bounce music. Bah ouais, les représentantes, c'est quasiment que des meufs trans, noires. Big Freedia, Cathy Red, et j'oublie les autres. Sissi Nobby, ouais, aussi. Voilà. Et puis Nikki tu parlais Dabby. De Nikki B. Voilà, ça s'oppose pas mal à toute une vague de rappeurs que bon, on avait envie de passer, on sait pas si on aura le temps, on verra bien après, mais notamment la star locale Lil Wayne avec des textes bien dégueux, bien sales, mais qui est quand même une figure de la Nouvelle-Orléans avec tout le crew du label Cash Money Records. Il a commencé à 9 ans, il a fait plusieurs groupes dont les Hot Boys avec notamment Juvenile qui est aussi des textes bien dégueux, etc. Et qui quand même sont aussi les disques de platine de la Nouvelle-Orléans, les gros stars qui sont arrivés de par là. Mais plutôt que de passer ça, vu que le temps nous est un peu compté, moi j'avais envie de vous partager des petites découvertes toutes récentes là de ces 10 dernières années, des crews un peu de hip-hop DIY plutôt avec des univers bien barrés. Notamment, je vais commencer par une rappeuse aussi qui a un physique assez impressionnant. Je sais pas combien elle fait de kilos, mais j'aimerais pas qu'elle m'éternue dessus. Je pense que je m'écroule, le crâne rasé, des grosses boucles d'oreilles. Je pense aussi qu'elle appartient un petit peu à cet esprit parce qu'elle a joué pas mal avec Brick Freedia, avec Peaches, etc. Elle a un bandcamp où elle a fait pas moins de 8 ou 9 EP. Le dernier, il est sorti en mai 2023. Il s'appelle Gabriel. Il s'agit de Delish the Goddess. Et juste après, j'enchaînerai avec le Pink Room Project. Donc ça, c'est pareil, c'est assez récent aussi. C'est un collectif DIY qui a été fondé par Brandon Harris et Lil Jodeci, qui organise des espèces de dance party hip-hop qui mélange avec de la house de Détroit, de l'indus, des visuels, etc. Et on écoutera juste après un morceau justement de Brandon Harris. On commence par Delish the Goddess tout de suite sur le 895 de Radio Audio. Yeah. Yeah. Ring. I'm giving this stuff to all the DJs that I fuck with. I'm gonna get this shit immediately to all the DJs I fuck with. Let's see if they like this shit. Listen. Never mind what they talking about. Yeah. Never mind what they talking about. Yeah. Never mind what they talking about. Yeah. Keep the queen out they fucking mouth. Pussy nigga, tryna steal my figures, huh? Gotta hit her, pop off if you with it, yeah. Gold slut, that's why them niggas fucking with her, huh? Not catching bodies, but I'm about to body niggas, huh? The fucking ruler, I'm the queen of the south, yeah. Pussy niggas want my swap and not my route, huh? Getting money is my motherfuckers drop, yeah. Sorry bitches, get in line, they let her out, yeah. A fucking lioness, I get it, not a problem, get blowing smoke like a chemist, fucking scientist. D-list a gynecologist because I swallow it. I got the lady in my dream, she make me ludicrous. They say she's studious, I know it, nothing new to this. I switch my phone and switching lanes fast and the furious. Don't get delirious, but wait, I'm fucking serious. You little lame ass niggas about to get it quick. D-list a fucking boss, it ain't an option. I'm the queen dropping hits. That bitch, her videos be popping, talking up like ruling shit. Ain't a bitch gonna stop me when it's time to hit the mic. It ain't a gimmick. My gospel, yeah. I hear them calling me a dyke now, but I'm dyking with they mommy. Guess they calling me a dyke now, but I'm dyking with they mommy. Guess they calling me a dyke now, but I'm. Oh yeah, oh yeah. Never mind what they talking about. Yeah. Never mind what they talking about. Yeah. Never mind what they talking about. Yeah. Keep the queen out they fucking mouth. Tell me what the fucking problem is. Don't worry, take a minute and digest it. Cause the queen is feeling restless. About to put this shit together for my city. Always rapping, got a baddie right beside me. She my queen. Hold my necklace, got my homie right beside me. Tiffy P. Bro, the next one feeling high in New Orleans. With the best one, get your humble up. Step the fuck aside before you stumble up. This ain't no mumble stuff. Make the crowds do a double dust. Mature them, jump enough. I got the soap. But that shit ain't in my double cup. Be smoking on that sticky in the Nola. Call it Cali stuff, but I ain't bought enough. Got the smoke until I'm feeling them. I guess I'm trying to say I am the queen and I had enough. But waiting to the last of the run so I can finish what I started. They ain't had enough. Get it how I want it. If it matters, fuck the actor stuff. About to spray these niggas bones. Grab the actor up before they talk. Let them know I'm about to smack them up. Smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, smack, When you hold me, lights all up my head. When you touch me, it's only for a friend. And it's love is pain, I know, I know, I know. You like Philippines. shit. Back in the time I've been. Bitch, my business. Look, boy, my business. What? Chopping the fin. Big time, bitch. C'était Brandon Ares, donc issu du collectif Pink Room Project, spécial New Orleans, dans Plus Fort, j'entends rien. Made by MCLC and LZ, oh yeah. Je vais continuer dans les nouveautés un petit peu toutes fraîches que j'ai eu le plaisir de découvrir, et notamment un crew qui s'appelle le 679ers Gang, pardon, 79ers Gang, et qui là se place dans la tradition des chefs indiens. Alors peut-être vous avez vu notamment la série Trémé qui dépeint pas mal et la scène musicale et la vie à la Nouvelle-Orléans avec ses qualités et ses défauts. Là, ce groupe, il est constitué de Big Chief Jermaine et Big Chief Romeo. C'est vraiment la jeune relève des Black Indians. À la base, ils sont issus de deux gangs rivaux qui étaient en train de se taper sur la gueule. Ils ont réussi à se réconcilier en musique et à intégrer quelques influences du coup de hip-hop et de bounce. Ils ont fait un album en 2020 qui s'intitulait Expect the Unexpected. Ils ont joué au Transmusical, tout ça, ça fait un petit buzz en France. Et ils seront même, si vous êtes chaud et que vous êtes un peu dans le secteur, à Paris en live au New Morning ce 23 juin. Je pense que ça vaut le coup de voir ça en concert. Je vous propose tout de suite un extrait de 79ers Gang. Seven and nine about to blow. I know we done came pushed in the door. For sure, playing with the gang, we holding court. And they know where I'm from, we trying to go. There ain't no 7 and 9. Say I'm a young big chief, I'm down in New Orleans, and I be ringing them drums and them tambourines. How you kneeling, bitch? So my suit on the mighty ground, on and I be offering. 7 and 9 about to blow. I know we done came pushed in the door. For sure, playing with the gang, we holding court. And they know where I'm from, we trying to go. There ain't no 7 and 9 about to blow. I know we came pushed in the door. For sure, playing with the gang, we holding court. And they know where I'm from, we trying to go. There ain't no 7 and 9. I'ma rep the 9 walls till I'm 6 feet deep, but I be repping 7 and 9 is why I'm running the street. 7 walls, 9 walls, come together as one clip on the Orleans. Nobody 7 and 9 about to blow. I know we came pushed in the door. For sure, playing with the gang, we holding court. And they know where I'm from, we trying to go. There ain't no 7 and 9 about to blow. I know we can't push in the door. For sure, playing with the gang, we holding court. And they know where I'm from, we trying to go. There ain't no 79, 79 about to blow, just know I told you so. So when we tear the city up, don't say you didn't know. Opportunity preparation for the corner of a morning. Cause when my gang strike, we give no warning. Say the 79 game, man, we never depart. Through when we sing these songs, we come from the heart. I'm rocking this song, my thoughts at me. We got a tag team, boy, that's hard. 79 about to blow. I know we can't push in the door. For sure, playing with the gang, we holding court. And they know where I'm from, we trying to go. There ain't no 79 playing with my gang, they ain't messing with that. The whole gang on the streets, they on the attack. Walking around the 7 wall, got a lot on my mind. Got a lot of stuff to do, but I ain't got time. We done came in this game, it's time for a change. Kept it real and stay is now created our own lane. We the H, the I, the N, the C. Hating is in charge, you know who. We're up and down about the blow. I know we done came pushed in the door. For sure. And with the gang, we know the code. And they know where I'm from, we trying to go. Something out about the flow. I know we done came pushed in the door. For sure. And with the gang, we know the code. And they know where I'm from, we trying to go. Radio-Dio, 89.5 FM. Vous êtes bien en plus fort, j'entends rien, spécial New Orleans, en compagnie de LCNLZ. À l'instant, c'était le groupe Galactic. Galactic, c'est clairement un groupe jazz funk qui s'est créé en 94, qui a fait plus de 10 albums. Et en 2010... c'était un peu marqué d'ailleurs dans les scriptifs que j'ai lus, c'était quand même 5 ans après Katrina, une espèce de volonté aussi de revenir un petit peu aux sources de la Nouvelle-Orléans et de valoriser quand même un patrimoine auquel les gens tenaient. Ils ont fait cet album qui s'appelait Ya Ka Mei, avec uniquement des featuring locaux, de tous les horizons de la musique de la Nouvelle-Orléans. Alors autant le piano d'Alain Toussaint, la soul woman Irma Thomas, que le Rebirth Brass Band que LZ vous a proposé au début, Juvenile à l'instant, un rappeur de là-bas, Cathy Red, Cici Nobby, donc la bounce, le hip-hop, la soul, le blues, tout qui est présent un petit peu sur ce disque qui vaut vraiment le détour, avec des incartades qui sonnent assez Beastie Boys, des côtés assez rock aussi. Et j'aurais pu vous passer ça pour faire une transition savante, mais comme je fais rarement de transition savante, on va parler maintenant d'un autre côté qui sonne un peu moins New Orleans dans le cliché de la musique qu'on a un petit peu de là-bas, mais c'est aussi toute une scène punk. Donc là, on va s'éloigner un petit peu de la black music. Et punk, alors je sais pas si c'est notamment ça, mais de gens qui sont soit de là-bas, mais aussi arrivés après l'ouragan et qui ont squatté un petit peu tout le vide qui avait qui était là-bas. Et toi, c'est un peu ces endroits-là que tu as finalement réussi à trouver dans tes voyages? Bah ouais, moi j'ai rencontré des gens qui venaient d'ailleurs, dont un bon pote qui vient de Chicago et qui fait partie d'un espèce de mouvement de punk qui sont arrivés là-bas parce que la ville, elle était, c'était un squat géant quoi. Et voilà, et du coup bah il y a plein de groupes de punk hyper bien. Là, on va vous passer un morceau de Mystic Inane. Pas grand chose à dire dessus à part que je kiffe. Et que c'est un super groupe de concert. Moi, je les avais vus à Lyon, à Grande Zéro. C'est vraiment hyper bien en live. Mais ouais, il y a une connexion avec Lyon. Ils ont sorti une cassette, Les gens de la lutine et tout, là. Et voilà. Et bien ouais, il y a aussi, du coup, dans le sud, Bâton Rouge, Nouvelle-Orléans, il y a tous les, un peu le mouvement, enfin, les groupes de Sludge et compagnie, les groupes Ayat God, Down, là, bien, qui sonne bien crade et tout là, mais ça on va pas vous en mettre parce qu'on en a pas. Donc on va écouter Mystic Inane, I Believe in UFOs. Mystic Inane à l'instant, donc sur le 895 de Dio. Et cette scène punk, anarchiste, gauchiste, qui a, moi j'ai l'impression, c'est un peu amplifié justement dans ce gigantesque squat post-Katrina, avec du coup des maisons vides qui étaient principalement dans les quartiers noirs et pauvres, du côté de la digue qui a justement cédé et qui a inondé la ville, puisque il faut bien rappeler quand même que la bourgeoisie s'est plutôt bien tirée de cette inondation et n'a pas trop été tachée sur ses murs, hein, ni même sur son compte en banque ou son confort de vie. Et pas mal de gens, moi, c'est je pense, c'est moment, toi, tu m'avais raconté un peu ça, et d'autres gens m'avaient parlé un petit peu de cette espèce de mouvement un peu de tous les États-Unis qui sont descendus aussi pour faire acte et œuvre un petit peu de solidarité, de partage, de chercher de la bouffe, de réussir à s'organiser ensemble, de mettre un peu à l'épreuve des idées autogestionnaires, un peu communistes, etc., dans un moment où, clairement, la municipalité, le pouvoir fédéral et le pouvoir national faisaient vraiment pas leur travail, et où du coup c'était vraiment la misère et la merde totale là-bas. Et toi, c'est un peu dans ces coins-là, finalement, que tu t'es retrouvé à te faire héberger par des bandes de punk, des choses comme ça, et dans une cohabitation un peu particulière comme ça. Bah ouais, c'est ça, parce que du coup ça fait que c'est une bande de blancs qui déboule dans des quartiers noirs et du coup qui bah forcément réfléchissent à leur place là-dedans et essayent de faire le moins de la merde possible. Du coup des grosses sessions récup pour tout le quartier, pas juste pour la maison. Ça parle de gentrification évidemment et quoi dire d'autre? Bah, alors après, gentrification, quand on est dans des taudis délabrés par le truc, c'est... Des blancs un peu artistes, même des punks crusty, quoi. C'est le début, on le sait. Du coup, faut faire gaffe, quoi. Et du coup, par exemple, tu parlais d'un lieu qui avait l'air de réussir un peu à mélanger justement white and black culture. Je dis ça un petit peu de manière grossière, mais où il y avait autant des soirées punk que des soirées hip-hop et bounce. Ouais, c'est ça, c'est le Siberia Club. C'est sur Saint-Claude Avenue, qui est une grande avenue qui traverse la ville, qui départage un peu les quartiers touristiques blancs des quartiers noirs. Et donc, là, j'ai regardé, ça existe encore, et la programmation, c'est marrant. T'as des soirs où moi j'ai vu Ayat God là-bas et le lendemain t'as une soirée de bounce, enfin tout se mélange et l'ambiance elle est vraiment cool, quoi, parce qu'il y a pas beaucoup d'endroits où il y a des blancs, des noirs, tout ça. C'est vrai que moi qui ai principalement vu d'Entre-Aimé, on a l'impression que dans la série, d'ailleurs c'est un peu le reproche que je lui ferais, tous les blancs sont super cool, ils sont potes avec des noirs, ils adorent le jazz, le blues, etc. Mmh. Je pense que cette série a aussi été faite dans une espèce d'optique de réconciliation, de valorisation un petit peu du patrimoine culturel de la Nouvelle-Orléans. J'imagine très bien que quand on a entendu le descriptif que je faisais de la ville, ça doit pas du tout être si simple. Mais il y a aussi quand même un gros héritage qui est très présent à la Nouvelle-Orléans, c'est la musique cajun. On dit, je crois, cadienne en français. Enfin, c'est cajun. Acadienne. Acadienne ? Ouais, okay. Du cajun. Ouais. Et qui là, du coup, est plutôt un dérivé blues, avec du violon, blues folk un peu, comme ça, ouais, avec country, du violon, country un peu, ouais. Après, il y a la langue cajun. Là, le morceau qu'on va écouter, il est en anglais. Là, il est en anglais, mais il y a effectivement une langue qui est un peu qui le gaga local, français, quoi. Qui est un vieux français que on a du mal à... Enfin, si on est francophone, c'est compliqué à comprendre. C'est vrai qu'on n'a même pas dit ça, mais c'est quand même une ville qui a été fondée dans un petit peu le merdier des États-Unis de l'époque, qui n'était pas encore unie, par les Français, puis a été refilée aux Espagnols, puis récupérée par les Anglais. Mmh. Enfin, ça a été un lieu de bataille et de guerre, quand même, historiquement, au XVIIIe siècle, qui a jamais cessé. Et donc, là, c'est Hooray for the Riffraff. Ouais, c'est ça. Hooray for the Riffraff. Qui est un groupe un peu connu là-bas. Entre autres, il y a un morceau sur la BO du film, là, avec la petite fille dans le bayou, qui s'appelle... je sais plus. Pardon. Oui, elle a été très grossière. En même temps, vu les morceaux qu'on a passés, c'est quand même pas vraiment choquant. Bon, ouais. Enfin, un film qui se passe là-bas, je vois pas de quoi tu parles, moi, mais personnellement. Si, Sauvages. Les animaux sauvages. Non, là... C'est un film de Walt Disney. Allez, ça marche. On écoute donc Hooray. Mon accent est terrible. Hooray for the Riffraff et allez, Delta Mama Blues. 1, 2, 1. hotel boy. I wanna be your dancing mama for a while. And if you stay, will you see that I can bring you lots of joy? I can turn those little teardrops into a smile. Well, if you're blue, don't cry. Just wander right downtown, and you can find your Delta mama waiting there. Well, I thought you knew that I would never let you down. I can ease your mind and take away your care. Just ask around. Well, I'm sure someone will know just exactly what it takes to get you back to feeling fine. Well, come away with me, my little Delta boy. I wanna be your dad. Will you see that I can bring you lots of joy? I can turn those little teardrops into a smile. Hooray for the riffraff à l'instant sur le 895. On vient de décider, on se demandait bien quelle direction on allait prendre pour finir dans ce dernier virage, ligne droite de Plus Fort J'entends Rien, de vous évoquer un petit peu le paysage musical de la Nouvelle-Orléans. Et on vient de décider de finir en douceur par quelques classiques qui nous tiennent à cœur quand même, puisque l'actualité c'est bien beau, mais le passé des fois c'est pas mal aussi. On va écouter un petit peu de blues et un petit peu de soul pour finir un petit peu ce paysage, revenir aux sources. Et là, je vous proposer un morceau que j'aime beaucoup d'un bluesman qui s'appelle Mississippi Fred McDowell. Tout de suite, maintenant. Thank you. thousand. C'était Irma Thomas, à l'instant sur le 895 de Duo pour clôturer ce plus fort j'entends rien spécial New Orleans, concocté en binôme. Et merci beaucoup à toi, LZ. Merci, LC. On t'entend. Merci, LC. Merci pour toutes ces petites anecdotes vivantes qui ont émaillé cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bien entendu, où on parlera d'Atelier Radio Jeunesse. Je vous rappelle que il y a des diffusions pendant 15 jours de la relève du micro. Rendez-vous à 10h et 15h tous les jours pour écouter les jeunes qui parlent à la radio. Le programme détaillé est bien entendu sur la une du site du radiodio.org. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur le 895 ou ailleurs. Prenez soin de vous et de vos autres. Ciao.